LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. La guerre froide, dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 6, l'espion en perdition. Le président a annoncé qu'un avion météorologique de la NASA a disparu il y a 4 jours au nord de la frontière turque. L'agence spatiale craint que son pilote ait péri dans l'accident. C'est l'histoire d'un homme que tout le monde déteste. En 1962, Francis Gary Powers, pilote de la CIA, rentre chez lui aux États-Unis après un procès très médiatisé et un séjour beaucoup trop long dans les prisons soviétiques. Soulagé, Powers découvre pourtant avec effroi qu'on parle de lui comme d'un piètre patriote, un espion de mauvaise qualité qui a rechigné au sacrifice de sa vie. Au cours de la guerre froide, si on ne se bat pas officiellement avec des armes, on se bat à coups de renseignements, de messages très confidentiels, d'opérations sous couverture. Et comme le renseignement, ça se périme très vite, la chasse ne s'arrête jamais. Les blocs de l'Est et de l'Ouest placent des hommes, des femmes, des correspondants, des agents dormants pour glaner, apprendre, enregistrer les activités de l'autre, de l'ennemi. L'espionnage, ces opérations couvertes, l'anonymat requis, les fausses identités, on n'en sait pas grand-chose. Mais quand on le sait, c'est que ça s'est mal passé. Et de Gary Powers, on en a beaucoup entendu parler. Midi actualité. La planète entière a même suivi ses aventures en direct, et parfois avec beaucoup d'ironie, comme Maurice Ferraud sur les ondes françaises, le 7 mai 1960. Les Américains reconnaissent effectivement qu'un avion U-2 a pu aller au-dessus de l'Union soviétique et a pu y aller probablement, dit le communiqué, en mission de renseignement. Et immédiatement après, le communiqué déraille sur une voie, je ne dirais pas une voie de garage, mais sur une voie d'explication, admettant que la guerre de l'espionnage a toujours existé, sous-entendant qu'elle existera encore, disant expressément, mon Dieu, que si les Russes ne cachaient pas tellement leurs secrets, on n'aurait pas besoin d'aller chez eux pour essayer de les découvrir au service de la liberté et de l'humanité, évidemment, puisqu'il s'agit de déceler les risques d'une attaque par surprise. Évidemment, c'est une reconnaissance, et quand on sait, nous l'avons dit hier, nous le répéterons toujours, que les services secrets se font une guerre secrète et que cela est connu, mais cela ne sert à rien de le reconnaître, il faut ne pas se laisser prendre, et mon Dieu, le communiqué l'indique alors bien plus nettement qu'entre les lignes, on s'est laissé prendre la main dans le sac. Celui qui pilote ce fameux avion U-2, c'est bien sûr Gary Powers. Son avion a été abattu le 1er mai 1960. L'avion est abattu par un missile soviétique. Il est abattu le 1er mai. Alexandre Riosbord est historien, spécialiste de l'appareil d'État états-unien. Dans un premier temps, c'est le silence. Personne ne dit rien. Les soviétiques attendent. Et puis, ils vont annoncer, ne voyant pas venir de réaction américaine, ils vont faire un communiqué officiel le 5 mai pour dire qu'ils ont abattu un avion espion. La réaction américaine le même jour, donc le 5 mai, la réponse américaine, le premier communiqué du département d'État, c'est de jouer la surprise. On ne comprend pas, pour une bonne et simple raison, c'est que les Américains pensent que les Soviétiques n'ont pas de preuves. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'avion a un mécanisme d'autodestruction qui doit, s'il est abattu, le détruire. Quant au pilote, on pense qu'abattu à 70 000 pieds, il n'a aucune chance de survivre. Et si malgré tout, il devait survivre, il est équipé d'une pilule qui doit lui permettre de se suicider, de ne pas tomber aux mains des autorités soviétiques. Or, il se trouve que l'avion a été abattu, peut-être un peu plus bas, on ne sait pas exactement, il n'y a pas d'enquête qui ont conclu exactement là-dessus. En tout cas, ils ont des parties de l'appareil, ils ont une partie de son équipement, et puis surtout, ils ont récupéré le pilote, qui n'a pas eu la courtoisie de se suicider. Francis Gary Powers a été attrapé, et donc, dans un premier temps, les Soviétiques ne le disent pas, le 5 mai. Ils vont dire, on a abattu un avion espion, et donc les Américains vont jouer aux idiots, en quelque sorte. Le département d'État va faire une déclaration en expliquant que, effectivement, ils ont perdu un avion. C'était une déclaration conjointe avec la NASA, mais c'est un avion de recherche civil, qui visiblement, et le pilote lui-même étant évidemment civil, c'est un avion de recherche. Il s'est perdu parce que, visiblement, il y a eu un problème avec le système d'oxygénation du pilote dans cet avion de recherche. Et donc, suite à cet incident, il a dû dévier de sa course et il a dû, par accident, rentrer dans l'espace soviétique. Et donc, il a été abattu, mais ça n'a rien à voir avec une mission militaire. Il s'agit d'une mission de recherche qui décollait depuis la Turquie. Et donc, le département d'État est bien embêté, mais il ne s'agit pas d'un vol d'un avion espion. Alors les Soviétiques vont attendre 48 heures, et puis le 7 mai, ils vont faire un deuxième communiqué dans lequel ils vont annoncer que non seulement c'était bien un avion espion, mais en plus ils ont le pilote et l'avion. Ils ont les preuves de la mission et de son objectif. Il est certain qu'à court terme, en tout cas, c'est le signe d'une remontée des tensions entre les deux pays qui se poursuivront dans les mois qui suivent. Messieurs, je dois vous rappeler que vous avez tous juré de garder le secret. Vous avez été choisis pour devenir membre de la société la plus secrète d'Amérique. I was trained to collect military information about the United States Armed Forces. Il faut bien se rendre compte que le système du renseignement soviétique se met en place. Andrei Kozovoy est historien et spécialiste des services de renseignement soviétiques. Donc dans les années en gros 17-20, après le coup d'État bolchevique, est créée la Tcheka, commission extraordinaire. Nous sommes en décembre 1917. 3 ans plus tard, apparaît au sein de la Tcheka une structure qui est dédiée au renseignement extérieur, qui s'appelle l'INO. Et ça va se développer jusqu'en 1954 avec l'apparition d'une organisation qu'on connaît bien qui est le KGB. Et donc la mission, si vous voulez, des espions soviétiques est déjà bien fixée avant le début de la guerre froide en 45-47. Mais c'est vrai que les agents secrets soviétiques vont disposer de moyens considérables, accrus, pendant la guerre froide, qui est aussi une guerre d'espions, notamment sur le territoire américain et visant le territoire américain. Vous comprenez que notre conversation ne doit pas sortir de cette pièce. Bien sûr. Nous nous engageons finalement dans cette guerre, pas parce que nous le voulons, mais parce que nous le devons et qu'il le faut. Et le président m'a demandé de réfléchir à la création d'un service de renseignement à l'étranger. Si ça se fait, je vais rechercher des jeunes patriotes honorables, prometteurs, issus d'un bon milieu pour diriger les différents services. Ne me répondez pas tout de suite. Réfléchissez. Il ne s'agit pas d'une fraternité de garçons qui viennent pour jouer avec leur bite. C'est du sérieux pour l'Amérique. Dès l'hiver 46, le printemps 47, la nécessité d'agir fait l'objet d'un consensus au sein de l'appareil gouvernemental américain. Alexandre Riosbord. Et donc on va commencer à mettre en place les moyens d'action sur ces terrains clandestins. La première grande opération politique connue, c'est l'intervention en Italie, hein, où les élections menacent de porter au pouvoir les communistes. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va soutenir la démocratie chrétienne. Très concrètement, on va la soutenir financièrement pour l'aider à financer sa campagne. Et puis on va mener des opérations de déstabilisation de l'adversaire en faisant fuiter des rumeurs. C'est ce qu'on appelle les opérations de subversion politique. La deuxième modalité d'intervention, c'est la modalité d'intervention psychologique. On va viser l'Union soviétique avec des opérations qui ressemblent aux opérations qu'on menait pendant la guerre dans l'Europe occupée ou à destination de l'Europe occupée. Pensez à la création de Radio Free Europe, qui va être financée par la CIA, qui est en fait une réplique de ce que faisait la BBC, en fait, hein, pour l'Europe occupée. Et puis, dans le même mouvement, on va commencer des opérations de type paramilitaire, là aussi copiées sur les modèles qui sont les modèles de la Seconde Guerre mondiale, là aussi, dans un premier temps, destinées à travailler contre l'ennemi principal, le bloc de l'Est. Et donc on va mener des opérations à la fois en Lituanie, avec l'aide des réseaux des anciens services de renseignement allemands, les réseaux Gehlen. On va mener des opérations en Ukraine et on va mener des opérations dans les Balkans, en particulier en Albanie, qui sont des parachutages, de l'aide au mouvement de résistance, qui vont se révéler dramatiquement inefficaces. Parce que il se trouve que des espions soviétiques sont à l'intérieur des services de renseignement, en particulier britanniques, entre autres principalement ceux qu'on appelle les 5 de Cambridge, et que donc ces informations sont éventées, et on le sait particulièrement pour les opérations menées en Albanie, les gens ne sont pas plutôt parachutés qu'ils sont arrêtés par les soviétiques, puisque les informations sont communiquées aux services de renseignement de Moscou. Mais il n'empêche que ces modalités d'opération se mettent en place, et que donc les services de renseignement américains deviennent très vite, entre 46 et 49, des instruments d'action clandestins dans la guerre froide. Miami est notre centre d'opération au large du Guatemala. Prenez votre maillot, monsieur Brocco, nous allons nous baigner. Quelles sont pour vous nos chances de réussite? Si nous avons l'appui qu'on nous a promis, je dirais qu'elles sont plutôt bonnes. La Maison Blanche. Maintenant, tout le monde attend la bonne nouvelle. Alors, bonne chance. C'est une promesse que la CIA peut faire au gouvernement américain à partir du début des années 50, qui est celle d'être capable d'aller jusqu'à changer des gouvernements dans des pays dits du tiers-monde, hein, qu'on commence à appeler du tiers-monde à cette époque-là. Mais tout de même, pour des sommes modiques, changer véritablement le cours des choses, c'est-à-dire aider à la mise en place de gouvernements plus favorable. On a la sensation, Andrei Kozouvoï, que c'est nettement plus facile d'espionner l'Ouest que d'espionner l'Est. Est-ce que vous confirmez cette impression ? Je la confirme maintenant, ça peut être aussi conséquence d'une déformation du regard que l'on porte, cette obsession des services secrets russes, qui est une obsession et une déformation qui est en partie liée à nos fantasmes sur l'espion russe, omniscient, tout puissant, etc. C'est une image qui a été créée en partie par les services secrets soviétiques et qu'ils ont véhiculé, cette image de toute puissance, etc. Mais qui correspond en bonne partie quand même aussi à la réalité. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on a face à soi un régime totalitaire, un régime dont l'un des piliers, ce sont les services secrets. Donc il faut bien se rendre compte que le KGB est à la fois une immense machine policière qui surveille sa population et qui informe le parti sur ce qu'ils appellent les humeurs de la population, son état, donc est-ce qu'il y a des opposants, etc. Et puis, une partie du KGB, évidemment, fait du renseignement. Une autre partie s'occupe de désinformer l'opinion publique occidentale. Donc c'est une immense machine qui reçoit des subventions, on va dire, des fonds considérables qui n'ont pas d'équivalent dans le monde occidental. Voilà, et qui, de par le secret qui entoure ce système, cette machine, projette une image effectivement de toute puissance. Vous allez devoir apprendre aussi vite et aussi rigoureusement que possible les techniques de renseignement en Angleterre, les opérations clandestines, en particulier le contre-espionnage. L'emploi de l'information, de la désinformation, et comment leur utilisation devient finalement le pouvoir. Partout, le service de renseignement en guerre froide peut faire scandale, mais disons qu'il ne fait pas scandale au même niveau. Alexandre Riosbord. L'exemple américain est intéressant parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le premier mouvement du gouvernement américain, c'est de fermer les services de renseignement créés pendant la Seconde Guerre mondiale. On attribue à Truman un mot célèbre qui est qu'aux États-Unis, on n'a pas besoin de Gestapo en dehors de la période de la guerre. Le retour à la paix, c'est le retour à la normale, c'est la fermeture de ce service qui n'avait de vocation que temporaire pendant le conflit. Et il faudra le début de la guerre froide pour que graduellement, à la fois, l'appareil de décision civile et l'opinion publique se rendent à l'idée qu'un appareil de renseignement est nécessaire. Ça n'ira pas sans résistance politique, qui viendront à la fois des critiques que sans doute vos auditeurs peuvent imaginer comme les plus naturelles, celles des libéraux, celles des gens qui croient dans le règlement pacifique des conflits, qui veulent la paix. Mais la résistance, elle viendra aussi et surtout au Parlement et dans les débats politiques des conservateurs qui, eux, veulent un retour à la normale, qui est le retour sur les affaires américaines, sur une forme d'isolationnisme, qui veulent un démantèlement du super-État qui s'est construit pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui veulent payer moins d'impôts, qui veulent moins de dépenses publiques, qui veulent des budgets équilibrés, et donc qui veulent une déflation de cet État de défense et de sécurité nationale, qui veulent certainement pas qu'on instaure un appareil de renseignement au sein de l'État américain. Mais en fait, le besoin fonctionnel est trop important. Et donc, dès 46, il y a la mise en place de ce qu'on appelle le Central Intelligence Group, qui est une première cellule de coordination du renseignement. Et puis, en 1947, il y aura la mise en place de la CIA. À partir de là, on rentre dans une première période des années 50, un premier âge d'or des opérations clandestines aux États-Unis, dans lequel on va, apparemment en tout cas, de succès en succès. Les budgets ne cessent d'augmenter très très vite, dès les années 48-49. Entre 48 et 53, on passe de 7 stations de la CIA à l'étranger à 47 stations. On passe d'une cinquantaine d'employés pour le bras armé des opérations clandestines à 6000 employés, dont 3000 sous contrat. Les budgets sont multipliés par 25. C'est, si l'on veut, pour l'histoire plus générale de la guerre froide, l'un des points où l'on voit l'intensité de la mobilisation conflictuelle qu'engendre la guerre froide et le déplacement bureaucratico-budgétaire impliqué par la guerre froide. Dans cette période-là, les budgets resteront très importants jusqu'au milieu des années 60. Mieux vaut que tout cela reste confidentiel. N'en discuter avec personne, ni Marie, ni qui que ce soit d'autre. Ne partagez vos correspondances qu'avec nous. Rendez-nous compte de ce qu'ils veulent faire et quand. Je n'ai ni client, ni femme, ni pays. Et je ne sais pas ce que je fais, ni quand, ni pour qui. Vous le faites pour votre pays, mais votre pays ne le sait pas encore. Oui, et mon client, l'autre personne dans cette équation, mon gars. Votre gars, vous parlez du russe? Ce n'est plus votre gars, maître Donovan. Votre gars, c'est Francis Gary Powers, maintenant. Il y a un pont dont on fait des films. C'est le pont de Glienicke, qui relie Berlin-Ouest à Potsdam. Il est resté mythique parce qu'on y échangeait les prisonniers entre les deux camps de la guerre froide. C'est le cas de Francis Gary Powers. Condamné à 3 ans de prison et 7 ans de travaux forcés par un tribunal russe, Il est échangé 2 ans plus tard contre l'espion soviétique William Fisher, alias Rudolf Abel, le 10 février 1962. Au-delà du pont de Glinicke, Berlin est resté dans les mémoires le passage obligé de toutes les opérations d'espionnage. Un carrefour de la fourberie, un vrai nid d'espions. Berlin était en effet un carrefour d'espions. Emmanuel Droit est spécialiste de l'histoire de l'Allemagne de l'Est, la RDA. Alors la particularité du renseignement est-allemand par rapport aux autres services de renseignement du bloc de l'Est, c'était sa capacité à envoyer à Berlin-Ouest et de l'autre côté, donc en RFA, des espions allemands qui étaient en gros invisibles à l'œil des autres citoyens ouest-allemands. Et donc, cette capacité qu'ils avaient sous la houlette de Marcus Wolf à envoyer des espions qui allaient pouvoir infiltrer notamment les bureaux de l'OTAN, infiltrer jusqu'au plus haut niveau politique allemand avec le célèbre conseiller Günther Guillaume de Willy Brandt dans les années 70. Il y avait la capacité des Roméo est-allemands à séduire généralement, après une étude psychologique très fine, des secrétaires de certains bureaux de généraux américains ou de généraux de l'OTAN. Il y avait cette capacité des Roméo à séduire les secrétaires et ensuite les utiliser parfois contre leur gré, en tout cas sans qu'elles le sachent vraiment, à les manipuler pour récupérer du matériel d'espionnage. Donc le point fort de la Stasi dans ce contexte de guerre froide, eh bien, c'est de pouvoir proposer des espions clés en main qui n'ont aucun problème en termes de couverture linguistique puisqu'ils sont invisibles. Ils passent sous les radars des services de contre-espionnage. Alors, la Stasi a connu aussi des échecs, il y a eu des fuites, il y a eu des réseaux qui ont été démontés, mis à jour. Mais globalement, elle est considérée comme le service de renseignement extérieur le plus efficace derrière le KGB. Et c'est vrai que au moment le plus tendu de la guerre froide dans les années 50, notamment à l'époque de la guerre de Corée, jusqu'à la seconde crise de Berlin, on voit en fait une concentration d'espions internationaux dans cette ville parce que, bah vous le savez, Berlin, c'est en quelque sorte, entre guillemets, la capitale de la guerre froide. Hein, dans les premières années en Europe, on est au cœur finalement du réacteur et c'est un lieu d'échange, de circulation. Donc on est vraiment là dans une situation assez exceptionnelle. Comment savoir si je peux vous faire confiance? Vous l'ignorez. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un en qui vous aurez confiance. J'avoue à regret que ça ne m'est jamais arrivé. Le renseignement, d'une manière générale, dans la guerre froide, on peut dire que ceux qu'on appelle aux États-Unis les Cold Warriors, ceux qui mènent la guerre froide concrètement, sont les espions. Alexandre Riosbord. La guerre froide quotidienne, en dehors des grands conflits que l'on connaît pendant la guerre froide silencieuse, la guerre froide vraiment au jour le jour, elle est menée par des espions, qu'il s'agisse d'espionnage d'ailleurs ou d'activités clandestines. Alors qui sont ces gens qui mènent cette guerre froide? Ben c'est très difficile à dire. C'est impossible pour les États-Unis, ou extrêmement difficile pour les États-Unis, mais probablement impossible. C'est totalement impossible pour la France, c'est absolument impossible pour l'Union soviétique. On n'a pas du tout accès à ces éléments-là. On peut quand même, à partir de petits éléments, essayer de reconstituer le profil ou les profils qui cohabitent à l'intérieur de ces services. Alors, première catégorie d'individus, qui est la mieux connue, la mieux documentée pour les raisons que j'évoquais plus tôt, c'est ce que les historiens de la guerre froide en général appellent les managers de guerre froide. C'est-à-dire c'est les gens de la première et deuxième génération des dirigeants de la CIA, qui sont des gens qui viennent du monde des affaires, notamment du droit des affaires, qui sont des avocats du droit des affaires, new-yorkais en général, et qui vont servir l'État pour la première de ces générations-là dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, au sein de l'OSS, pour une grande partie d'entre eux, et qui, de l'OSS, après une période transitoire, vont entrer à la CIA, et donc vont constituer la première génération de dirigeants de la CIA. Le directeur de la CIA, Alain Dulles, qui dirige la CIA entre 53 et 61, ben, lui, c'est un associé d'une grande firme d'avocats new-yorkais qui s'appelle Sullivan & Cromwell, et qui va œuvrer pour l'OSS à Berne, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va être une des figures même publiques du débat sur la nécessité de la mise en place de services de renseignement professionnels dans le milieu des années 40 aux États-Unis après la guerre, et puis qui va prendre les rênes, d'abord prendre le poste de directeur adjoint en 1951, puis le poste de directeur tout court de la CIA en 1953. C'est des gars comme vous qui me font peur. C'est des gars comme vous qui font des grandes guerres. On fait en sorte que ça reste des petites guerres, monsieur Palmy. La deuxième catégorie d'individus, c'est ce qu'on pourrait appeler des intellectuels. Les services de renseignement, en particulier américains, dès le début des années 50, c'est un monde d'intellectuels. En fait, on recrute des gens qui sont... Parce que la première fonction du renseignement, c'est la collecte, certes, du renseignement, mais surtout son analyse, sa compilation, son analyse et la production d'une matière analytique qui permet de répondre aux attentes du politique, soit à ses questions, soit d'anticiper ses questions en lui donnant du renseignement pour faciliter à la fois son analyse et sa décision. Donc il faut des intellectuels. Et donc la CIA va très vite se tourner, dès 48-49 et de manière massive à partir des années 50, vers des diplômés de l'université. On dit qu'il y a une blague dans certains départements de sciences humaines et sociales parmi les doctorants, quand on dit « mais qu'est-ce que je vais faire si je suis pas recruté dans une université pour faire chercheur ?» La blague, c'est qu'il y a toujours la CIA, quoi. Si tu sais pas quoi faire, tu seras recruté par la CIA pour aller travailler. Et donc, c'est un monde d'intellectuels. Et puis, plus profondément, dès la mise en place de ces services, en tout cas dans le cas américain, il y a la mobilisation de gens qui sont des experts de la chose militaire. Il y a la collaboration avec les services spéciaux de l'armée, collaboration permanente, assez proche, même si la CIA se dote de ses propres moyens d'action clandestine paramilitaire. Évidemment, les expertises sont les mêmes, et comme dans d'autres domaines, on voit circuler des experts à l'intérieur de l'État américain, entre les forces armées et les services clandestins de la CIA. J'ajouterais un dernier type de profil beaucoup plus divers, qui sont tous les profils liés à des besoins techniques plus momentanés. Parmi ceux-là, pour l'anecdote, on pourra mettre les plombiers du Watergate. Hein, quand il faut ouvrir des portes ou mettre sur écoute, il faut des spécialistes de l'écoute, il faut des spécialistes de l'ouverture des portes, il faut des spécialistes du cambriolage. Bon, tout ça, c'est des profils particuliers aussi dont on dispose. Une fois rentré chez lui, Francis Gary Powers découvre que des rumeurs courent sur sa santé mentale, sur le lavage de cerveau qu'il a peut-être subi pendant sa détention. Est-il devenu un traître à sa patrie ? Et même s'il n'est pas devenu un agent à la solde de l'ennemi, il a trahi par le simple fait de choisir de rester en vie. Il a refusé ce sacrifice, et avec ça, il a permis d'être utilisé pour humilier l'État et les services de renseignement américains. Pour les étrangers qui sont séduits par le discours messianiste soviétique, bien sûr, cette puissance idéologique les séduit. Andrei Kozovoy. Donc ces gens-là sont persuadés que si on laisse les États-Unis disposer seuls de la bombe atomique, cela pourrait créer un vrai risque pour la paix dans le monde et qu'il s'agit de rétablir l'équilibre, un équilibre nécessaire, en livrant des secrets aux Soviétiques. Donc cette motivation idéologique, elle est très forte dans les années 30, elle est encore relativement forte pendant la période de la Grande Alliance, évidemment, pendant la guerre, et puis elle va progressivement diminuer à mesure que l'on découvre des choses sur Staline, et surtout après 1956, quand Khrouchtchev a lancé sa déstalinisation, qu'il va annoncer publiquement, quasiment publiquement, on va le savoir très vite en Occident, que Staline n'était pas un ange, qu'il avait commis des crimes abominables, visant notamment les membres du parti. Et là, la foi dans le communisme a progressivement s'étiolé, diminué, y compris chez les gens qui pouvaient jusqu'ici être recrutés au service des espions du système de renseignement soviétique. Les services secrets russes vont mobiliser leurs troupes en faisant moins appel à l'idéologie, mais plus à des choses en usant d'arguments matériels, hein, donc notamment l'argent par exemple. Mais c'est vrai que les succès soviétiques pendant la guerre froide dans le domaine du renseignement sont assez considérables quand même. Hein. On a un certain nombre d'espions qui ont travaillé pour les soviétiques, qui étaient déjà présents dans les structures telles que le FBI ou même la CIA, et qui ont livré des secrets considérables aux soviétiques jusqu'aux années 80-90. Le plus connu d'ailleurs, l'un des derniers grands espions de l'époque de la guerre froide s'appelait Robert Hansen. Il était au FBI et lui, il n'a été arrêté qu'au début du XXIe siècle, quand Poutine était déjà président russe. Le pouvoir soviétique est un mythe. Mais vous avez besoin de garder vivant le mythe russe pour maintenir votre complexe militaire et industriel. Votre système repose sur une Russie perçue comme une menace mortelle. Ce n'est pas une menace. Ça n'a jamais été une menace, ça ne sera jamais une menace. C'est une vieille vache pourrie à l'agonie. À partir des années 60, on rentre dans un contexte de plus en plus critique. Alexandre Riosbord. On change, alors si on prend un concept sociologique, on change de génération. Je pense que c'est ce qui structurellement va expliquer la mauvaise période, entre guillemets, que va traverser la CIA dans la fin des années 60 et surtout dans les années 70, en fait. c'est l'effritement du consensus de guerre froide. C'est plus les générations de la Seconde Guerre mondiale, mais ce sont des générations nées après la Seconde Guerre mondiale, les générations des années 50 qui arrivent à l'âge mature, qui rentrent dans les universités. Tout d'un coup, il y a un point de vue différent qui est porté sur la guerre froide, dont les logiques paraissent moins nettes. Il y a aussi la crise des missiles de Cuba, qui dans ce contexte va jouer un rôle de dramatisation et qui pour les jeunes va être le signe qu'il faut se sortir de cette situation-là. Il y a la guerre du Vietnam, qui va travailler à partir de 64-65 l'opinion publique, qui va avoir graduellement un point de vue de plus en plus négatif sur cette implication au Vietnam. Il va y avoir donc une critique générale qui va s'étendre d'abord dans la gauche du spectre politique, chez les jeunes en particulier, puis qui va gagner en audience progressivement, qui s'inscrit encore plus globalement dans un contexte de critique de la société américaine très intense, de mouvement des droits civiques, de critique politique et de critique sociale aux États-Unis. Et donc on critique le gouvernement qui ne fait pas assez d'efforts pour réformer la société, qui de l'autre côté dépense des milliards dans des guerres à l'étranger, dans une politique que l'on commence à appeler, hein, il y a aussi le mouvement intellectuel impérial. Hein, c'est dans les années 60, une révision complète de l'histoire de la politique étrangère américaine est effectuée dans ce contexte-là par les gens de ce qu'on appelle l'école du Wisconsin, hein, qui démarre dans les années 50, mais qui se déploie dans les années 60, et qui dit que les interventions, notamment de guerre froide, sont en fait un masque, hein, sont en fait un cache-sexe à des interventions qui sont des interventions impérialistes américaines à l'étranger. Tout ce contexte général, qui ne cesse de s'alourdir dans la deuxième partie des années 60, finit par faire basculer l'opinion publique. Bref, ce contexte général commence entre autres à se focaliser sur l'action des services de renseignement. Et donc, en 74, dans ce contexte de plus en plus lourd pour les services de renseignement, va éclater un scandale suite à la fuite d'un document qui n'aurait jamais dû être écrit, qui signale par ailleurs une certaine forme de naïveté de la part des services de renseignement, c'est-à-dire qu'une enquête interne a été ordonnée qui réclame de mettre par écrit, dans un seul et unique document, l'ensemble des activités des 20 dernières années qu'on pourrait considérer comme illégitimes. Le document est rédigé, donc c'est une enquête interne à la CIA, et puis il fuit. Il est donné à la presse, un peu comme avaient fuité un peu plus tôt les Pentagon Papers. Et dans ce contexte-là, ça provoque évidemment, alors là pour le coup, un scandale. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte général qui est un contexte de critique du gouvernement américain, de critique de la présidence impériale, de critique des dévoiements du pouvoir autour de la figure de Nixon, mais au-delà, de critique de la guerre du Vietnam. On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Les amis peuvent devenir ennemis et les ennemis amis. C'était La guerre froide dans nos têtes, épisode 6, avec Alexandre Rios-Bord, Emmanuel Droit et Andrei Kozovoy. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.